sur la réalité. Un crayon, du papier, j'ai ce qu'il faut quand il faut pour composer. Décomposer les faux s'il le faut, j'exécute ce texte sans aucun complexe, me place flex. And we don't stress, we just assess the situation. There's no mistaking us for imitations when we operating like surgery, and certainly we learn to be and yearn to be the best that we can be until infinity. La RSP n'a pas encore donné ses fruits, même le ventre vide, crois-moi frère, on réinvestit à 100% en union pour la force, l'autonomie, voler de ses propres ailes, ne plus avoir à dépendre d'autrui. Car certains auraient sûrement aimé nous voir couverts d'or, changer de femme comme un scénario change constamment de décor. Mais notre vision des choses est beaucoup plus modeste, c'est sûrement ce qui les vexe, on ne possède pas de Rolex. My whole text flows like sex and grows like stress. L winner, RCK06 pour le pèse. Express comme notre technique de Montréal à Paris. Si jamais tu ris comme la funky, on fait du rap en tuerie. We keep our eyes open and our ears to the street. Toujours alerte, fin prêt pour une réplique. And for every step you take, we taking a quantum leap. Le dub DJ de winner, fuit les stéréotypes. We keep our eyes open and our ears to the street. Toujours alerte, fin prêt pour une réplique. And for every step you take, we taking a quantum leap. Le dub DJ de winner, fuit les stéréotypes. Shade, El Winner, Dubmatic, the combo's magic. I'm 160 pounds, but a fat kid that's mad quick. I blaze stages, so put the mics back in the holster while we completing moves over international borders. From Africa to France, but MTL is where I dwell, with the fam trying to excel, and at times it's hard as hell. On this planet, where we surrounded by water, but sharks are living on both, so you'll protect your sons and daughters. Je ne serai jamais prisonnier des stéréotypes. Quel que soit le temps, l'année, je resterai toujours authentique. Sans kit ni panoplie, l'habit ne fait pas le MC. Ici, c'est pas New York City, écris ce que tu vis. Si tu manques de sensations fortes, ma voix t'emporte. Suspendu au bout du bungee, allez viens on saute. Sur des skis comme sur de la glace, tout glisse. Défiant les potins en patin, comme roi le fit jadis. Je viens pas pour t'embarquer, encore moins pour t'influencer. Smerlé mais j'en ai trop bavé pour me la fermer. Tu veux être un MC libre, alors sois-le. N'attends pas qu'on te le dise, ne compte pas sur le showbiz. We keep our eyes open and our ears to the street. Toujours alerte, fin prêt pour une réplique. And for every step you take, we taking a quantum leap. Le dub DJ de winner, fuit les stéréotypes. We keep our eyes open and our ears to the street. Toujours alerte, fin prêt pour une réplique. And for every step you take, we taking a quantum leap. Le dub DJ de winner, fuit les stéréotypes. Et même si nos efforts sont passés de la cave à l'usine, on ne roule pas en limousine, tu confonds avec rock voisine. Nos intentions restent toujours aussi saines, donner le meilleur de nous-mêmes, nous épanouir sur une scène. Des rimes plein le filtre, un style qui décapite, des émotions à fleur de peau, des lyrics explicites, un discours méthodique, catégorique, gravé au sillon. Comme Montréal entre en action, fais attention. Tu veux être grande, pour ta mère encore une enfant, gavé au clip, nuit et jour, pour la gloire y'a pas nid. Maigre comme un pic, on traite souvent d'anémique. C'est pas en faisant rêver, je sais que je compte séduire mon public. Sur le mic, en stéréo son typique, y'a pas moyen, je mourrai libre de tout stéréotype. Type marrant, c'est pas mon rayon, évite photographe, photographe, les flashs qui crépitent, c'est pas mon trip. Bourré de stéréotypes, jusqu'aux chaussettes, mitraillé d'étiquettes, devenu la cible des marquettes. Certains collectionnent des styles en toc, bandana sur les yeux, ouvre les yeux, c'est pas ça la culture hip-hop. Understand I'm like Tarzan, swinging through the urban jungle, in a constant struggle to make sure that we don't stumble. When I see trouble, well I'm hitting trouble first, cause it's a complex universe and I can't walk in reverse. Yo, my words verse, shine like sunbursts, and fakes are claiming that they got flows, but they dying of thirst. So I give my peeps a pound to put the mic in circulation. The shades in DUB, we stay united like the nation. Deuxième dose. Ha!